Dossier 1, les uns, les autres. Leçon 3, en direct de TV5. Activité 2. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt effectuer le tirage au sort. Nous avons 5 finalistes. Ils sont au Canada, à Madagascar, au Sénégal, en Gambie et en Tunisie. Ils désirent venir à Paris, ils ont un rêve, écoutez-les. Je m'appelle Céline, j'ai 22 ans, j'habite à Québec au Canada, je suis étudiante en architecture, je rêve de passer le 14 juillet à Paris et de voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Moi c'est Tom, je suis né aux États-Unis mais je vis à Madagascar. J'ai 23 ans et je travaille dans un bar. J'adore la musique, toutes les musiques. Le rock, la techno, le reggae, le rap. Mon rêve, c'est d'aller à Paris pour la fête de la musique, le 21 juin. Je m'appelle Claudine, j'habite en Gambie, je suis professeure. Mon anniversaire, c'est le 12 septembre. Mon rêve, fêter mes 50 ans avec mon mari à la Tour d'Argent. Je m'appelle Issa, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en journalisme. J'habite au Sénégal et j'ai une passion, le cyclisme. Je voudrais assister à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées cette année. Je m'appelle Atem, je suis tunisien. J'ai 65 ans, je suis à la retraite. Ma passion, c'est la peinture. Et j'ai un rêve, visiter les musées de Paris, le Louvre et tous les autres.